Adjistraou se leva, vint se placer devant moi avec son filleul qu'il dominait de toute la tête, et me dit « Monsieur, voilà un grec d'aujourd'hui. Moi, je suis un grec d'autrefois, et les journaux prétendent que nous sommes en progrès. » Au roulement du tambour, les murs de ma prison s'écartèrent comme les remparts de Jéricho. 2 minutes après, j'étais dans la tente de Marianne. La mère et la fille s'éveillèrent en sursaut. Madame Simon m'aperçut la première et me cria « Eh bien, nous partons ?»« Hélas, madame, nous n'en sommes pas là. » « Où en sommes-nous donc? Le capitaine nous a donné parole pour ce matin. »« Comment l'avez-vous trouvé, le capitaine ?»« Galant, élégant, charmant, un peu trop esclave de la discipline. C'est bien son seul défaut. »« Coquin et faquin, lâche et bravache, menteur et voleur, voilà ses vrais noms, madame, et je vous le prouverai. »« Ça, monsieur, qu'est-ce que la gendarmerie vous a donc fait ?»« Ce qu'elle m'a fait, madame, daignez venir avec moi seulement au haut de l'escalier. » Madame Simon arriva juste à point pour voir les soldats défilant, tambour en tête, les brigands installés à leur place, le capitaine et le roi, bouche à bouche, se donnant le baiser d'adieu. La surprise fut un peu trop forte. Je n'avais pas assez ménagé la bonne dame, et j'en fus puni, car elle s'évanouit tout de son long à me casser le bras. Je la portai jusqu'à la source. Marianne lui frappa dans les mains, je lui lançai une poignée d'eau par le visage. Mais je crois que c'est la fureur qui la fit revenir. Le misérable, cria-t-elle. Il vous a dévalisé, n'est-il pas vrai? Il vous a volé vos montres, votre argent? Je ne regrette pas mes bijoux qu'il les garde, mais je voudrais pour 10 000 francs reprendre les poignées de main que je lui ai données. Je suis anglaise et je ne serre pas la main de tout le monde. Ce regret de Madame Simon m'arracha un gros soupir. Elle repartit de plus belle et fit tomber sur moi tout le poids de sa colère. C'est votre faute, me dit-elle. « Ne pouviez-vous pas m'avertir? Il fallait me dire que les brigands étaient de petits saints en comparaison. »« Mais, madame, je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas compter sur les gendarmes. »« Vous me l'avez dit, mais vous me l'avez dit mollement, lourdement, flegmatiquement. »« Est-ce que je pouvais vous croire? Pouvais-je deviner que cet homme n'était que le geôlier de Stravos? Qu'il nous retenait ici pour laisser aux brigands le temps de revenir? Qu'il nous effrayait de dangers imaginaires? Qu'il se disait assiégé pour se faire admirer de nous? Qu'il simulait des attaques nocturnes pour avoir l'air de nous défendre? Je devine tout à présent, mais dites si vous m'avez rien appris. Mon Dieu, madame, j'ai dit ce que je savais, j'ai fait ce que je pouvais. Mais, allemand que vous êtes, à votre place, un Anglais se serait fait tuer pour nous, et je lui aurais donné la main de ma fille. Les coquelicots sont bien rouges, mais je le fus davantage en entendant l'exclamation de madame Simon. Je me sentis si troublé que je n'osais ni lever les yeux, ni répondre, ni demander à la chère dame ce qu'elle entendait par ces paroles. Car enfin, comment une personne aussi raide avait-elle été amenée à tenir un pareil langage devant sa fille et devant moi? Par quelle porte cette idée de mariage avait-elle pu entrer dans son esprit? Madame Simon était-elle vraiment femme à décerner sa fille comme récompense honnête au premier libérateur venu? Il n'y avait pas apparence. N'était-ce pas plutôt une sanglante ironie à l'adresse de mes pensées les plus secrètes? Quand je descendais en moi, je constatais avec un légitime orgueil la tiédeur innocente de tous mes sentiments. Je me rendais cette justice que le feu des passions n'avait pas élevé d'un degré de la température de mon cœur. À chaque instant du jour, pour me sonder moi-même, je m'exerçais à penser à Marianne. Je m'étudiais à construire des châteaux en Espagne dont elle était la châtelaine. Je fabriquais des romans dont elle était l'héroïne et moi le héros. Je supposais à plaisir les circonstances les plus absurdes. J'imaginais des événements aussi invraisemblables que l'histoire de la princesse Ipsosf et du lieutenant Reynaud. J'allais jusqu'à me représenter la jolie Anglaise assise à ma droite au fond d'une chaise de poste et passant son beau bras autour de mon long cou. Toutes ces suppositions flatteuses qui auraient agité profondément une âme moins philosophe que la mienne ne troublaient pas ma sérénité. Je n'éprouvais point les alternatives de crainte et d'espérance qui sont les symptômes caractéristiques de l'amour. Jamais, au grand jamais, je n'avais senti ces grandes convulsions du cœur dont il est question dans les romans. Donc, je n'aimais pas Marianne. J'étais un homme sans reproche et je pouvais marcher la tête levée. Mais Madame Simon, qui n'avait pas lu dans ma pensée, était bien capable de se tromper sur la nature de mon dévouement. Qui sait si elle ne me soupçonnait pas d'être amoureux de sa fille? Si elle n'avait pas interprété dans un mauvais sens mon trouble et ma timidité? Si elle n'avait pas lâché ce mot « mariage » pour me forcer à me trahir? Ma fierté se révéla contre un soupçon si injuste, et je lui répondis d'une voix ferme, sans toutefois la regarder en face. « Madame, si j'étais assez heureux pour vous tirer d'ici, je vous jure que cela ne serait pas pour épouser mademoiselle votre fille. »« Et pourquoi donc ? » dit-elle d'un ton piqué. « Est-ce que ma fille ne vaut pas qu'on l'épouse ? Je vous trouve plaisant, en vérité. N'est-elle pas assez jolie ? Ou assez riche ? Ou d'une assez bonne famille ? L'ai-je mal élevée ? Et savez-vous quelque chose à dire contre elle ? Épouser mademoiselle Simon, mon petit monsieur, est un beau rêve, et le plus difficile s'en contenterait. » « Hélas, madame, répondis-je, vous m'avez mal compris. J'avoue que mademoiselle est parfaite, et sans sa présence qui me rend timide, je vous dirai quelle admiration passionnée elle m'a inspirée dès le premier jour. C'est justement pour cela que je n'ai pas l'impertinence de penser qu'aucun hasard puisse m'élever jusqu'à elle. J'espérais que mon humilité fléchirait cette mère foudroyante, mais sa colère ne baissa pas d'un demi-ton. « Pourquoi, reprit-elle, pourquoi ne méritez-vous pas ma fille ? Répondez-moi donc. » « Mais, madame, je n'ai ni fortune ni position. »« La belle affaire, pas de position. Vous en auriez une, monsieur, si vous épousiez ma fille. Être mon gendre, n'est-ce donc pas une position ? Vous n'avez pas de fortune. Est-ce que nous vous avons jamais demandé de l'argent ? N'en avons-nous pas assez pour nous, pour vous et pour bien d'autres ? D'ailleurs, l'homme qui nous tirera d'ici ne nous fera-t-il pas un cadeau de 100 000 francs ? C'est peu de chose, j'en conviens, mais c'est quelque chose. Direz-vous que 100 000 francs soit une somme méprisable ? « Alors, pourquoi ne méritez-vous pas d'épouser ma fille ?»« Madame, je ne suis pas... »« Voyons, qu'est-ce encore que vous n'êtes pas ? Vous n'êtes pas anglais ? Oh, nullement !»« Eh bien, vous nous croyez donc assez ridicule pour vous faire un crime de votre naissance ? Et monsieur, je sais bien qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être anglais. La terre entière ne peut pas être anglaise, au moins avant quelques années. Mais on peut être honnête homme et homme d'esprit sans être né positivement en Angleterre. » Pour ce qui est de la probité, madame, c'est un bien que nous nous transmettons de père en fils. De l'esprit, j'en ai juste ce qu'il faut pour être docteur. Mais malheureusement, je ne me fais pas d'illusions sur les défauts de ma personne physique et... Vous voulez dire que vous êtes laid, n'est-ce pas ? Non, monsieur, vous n'êtes pas laid. Vous avez une figure intelligente. Marianne, monsieur, a-t-il une figure intelligente ? Oui, maman, dit Marianne. Si elle rougit en répondant, sa mère le vit mieux que moi. Car mes yeux étaient obstinément cloués à terre. D'ailleurs, ajouta madame Simon, fussiez-vous 10 fois plus laid, vous ne le seriez pas encore autant que feu mon mari. Et pourtant, je vous prie de croire que j'étais aussi jolie que ma fille, le jour où je lui donnai ma main. Que répondrez-vous à cela ? Rien, madame. Sinon que vous me comblez, et qu'il ne tiendra pas à moi que vous ne soyez demain sur la route d'Athènes. Que comptez-vous faire ? Cette fois, tâchez de trouver un expédient moins ridicule que l'autre jour. « J'espère que vous serez satisfaite de moi si vous voulez bien m'entendre jusqu'au bout. »« Oui, monsieur. »« Sans m'interrompre. »« Je ne vous interromprai pas. »« Vous a-t-on jamais interrompu ?»« Oui. »« Non. »« Si. »« Quand ?»« Jamais. »« Madame, Hadjistravos a tous ses fonds placés chez messieurs Barley et compagnie. »« Chez nous ?»« Cavendish Square, 31 à Londres. »« Mercredi dernier, il a dicté devant nous une lettre d'affaires à l'adresse de monsieur Barley. »« Et vous ne m'avez pas dit cela plus tôt ?» Vous ne m'en avez jamais laissé le temps. Mais c'est monstrueux, votre conduite est inexplicable. Nous serions en liberté depuis 6 jours. Je serais allé droit à lui, je lui aurais dit nos relations. Il vous aurait demandé 200 000 ou 300 000 francs. Croyez-moi, madame, le mieux est de ne rien lui dire du tout. Payez votre rançon, faites-vous donner un reçu, et dans 15 jours, envoyez-lui un compte courant avec la mention suivante. Item, 100 000 francs, remis personnellement par madame Simon, notre associée, contre-reçu. De cette façon, vous rentrez dans votre argent, sans le secours de la gendarmerie. Est-ce clair ? Je levai les yeux et je vis le joli sourire de Marianne, tout radieux de reconnaissance. Madame Simon haussait furieusement les épaules et ne semblait émue que de dépit. « En vérité, me dit-elle, vous êtes un homme surprenant. Vous êtes venu nous proposer une évasion acrobatique lorsque nous avions un moyen si simple de nous échapper. Et vous savez cela depuis mercredi matin ? Je ne vous pardonnerai jamais de ne pas nous l'avoir dit le premier jour. Mais, madame, veuillez vous rappeler que je vous priais d'écrire à monsieur votre frère pour lui demander 115 000 francs. Pourquoi 115 ? Je veux dire 100 000. Non, 115, c'est trop juste. Êtes-vous bien sûr que ce Stravos ne nous retiendra pas ici, lorsqu'il aura reçu l'argent ? Je vous en réponds. Les brigands sont les seuls Grecs qui ne manquent jamais à leur parole. Vous comprenez que s'il leur arrivait une fois de garder les prisonniers après avoir touché la rançon, personne ne se rachèterait plus. Il est vrai. Mais quel singulier Allemand vous faites de n'avoir pas parlé plus tôt. Vous m'avez toujours coupé la parole. Il fallait parler quand même. Mais madame, taisez-vous et conduisez-nous à ce maudit Strauss. » Le roi déjeunait d'un rôti de tourterelle sous son arbre de justice avec les officiers valides qui lui restaient encore. Sa toilette était faite. Il avait lavé le sang de ses mains et changé d'habit. Il cherchait avec ses convives le moyen le plus expéditif de combler les vides que la mort avait fait dans ses rangs. Basile, qui était de Janina, offrait d'aller lever 30 hommes en Épire, où la surveillance des autorités turques a mis plus de 1000 brigands en retrait d'emploi. Un Laconien voulait qu'on acquît à Beaudenier comptant la petite bande du Spartiate Pavlos qui exploitait la province du Magne, dans le voisinage de Kalamata. Le roi, toujours imbu des idées anglaises, pensait à organiser un recrutement par force et à enlever tous les bergers de l'Attique. Ce système semblait d'autant plus avantageux qu'il n'entraînait aucun débours et qu'on gagnait les troupeaux par-dessus le marché. Interrompu au milieu de la délibération, Hadji Stravos fit à ses prisonniers un accueil glacial. Il n'offrit pas même un verre d'eau à Madame Simon, et comme elle n'avait point déjeuné, elle fut sensible à cet oubli des convenances. Je pris la parole au nom des Anglaises, et en l'absence du Corfiot, le roi fut bien forcé de m'accepter pour intermédiaire. Je lui dis qu'après le désastre de la veille, il serait content d'apprendre la détermination de Madame Simon, qu'elle avait résolu de payer, dans le plus bref délai, sa rançon et la mienne, que les fonds seraient versés le lendemain, soit à la banque d'Athènes, soit en tout autre lieu qui lui plairait de désigner contre son reçu. « Je suis bien aise, dit-il, que ces femmes aient renoncé à convoquer l'armée grecque à leur secours. Dites-leur qu'on leur remettra pour la seconde fois tout ce qu'il faut pour écrire, mais qu'elles n'abusent plus de ma confiance, qu'elles ne m'attirent pas les soldats ici. Au premier pompon qui paraît dans la montagne, je leur fais couper la tête. Je le jure par la Vierge du Mégaspiléon, qui fut sculptée de la propre main de Saint-Luc. N'ayez aucun doute, j'engage la parole de ces dames et la mienne. Où voulez-vous que les fonds soient déposés ? À la Banque nationale de Grèce, c'est la seule qui n'ait pas encore fait banqueroute. Avez-vous un homme sûr pour porter la lettre ? J'ai le bon vieillard, on va le faire appeler. Quelle heure est-il ? 9 heures du matin. Le révérend n'a pas encore assez bu pour être gris. Va pour le moine. Lorsque le frère de Madame Simon aura versé la somme et pris votre reçu, le moine viendra vous emporter la nouvelle. Quel reçu ? Pourquoi un reçu ? Je n'en ai jamais donné. Quand vous serez tous en liberté, on verra bien que vous m'avez payé ce qui m'était dû. Je croyais qu'un homme comme vous devait traiter les affaires à la mode d'Europe. En bonne administration, je traite les affaires à ma guise, et je suis trop vieux pour changer la méthode. Comme il vous plaira. Je vous demandais cela dans l'intérêt de Madame Simon. Elle est tutrice de sa fille mineure, et elle lui devra compte de la totalité de sa fortune. Qu'elle s'arrange. Je me soucie de ses intérêts comme elle des miens. Quand elle payerait pour sa fille, le grand malheur. Je n'ai jamais regretté ce que je débourse pour Fotini. Voici du papier, de l'encre et des roseaux. Soyez assez bon pour surveiller la rédaction de la lettre. Il y va de votre tête aussi. » Je me levai, tout penaud, et je suivis ces dames qui devinaient ma confusion, sans en pénétrer la cause. Mais une inspiration soudaine me fit revenir sur mes pas. Je dis au roi, « Décidément, vous avez bien fait de refuser le reçu, et j'ai eu tort de le demander. Vous êtes plus sage que moi, la jeunesse est imprudente. Qu'est-ce à dire ? Vous avez raison, vous dis-je, il faut s'attendre à tout. Qui sait si vous n'essuierez pas une seconde défaite plus terrible que la première ? Comme vous n'aurez pas toujours vos jambes de 20 ans, vous pourriez tomber vivant aux mains des soldats. Moi ? On vous ferait votre procès comme à un simple malfaiteur. Les magistrats ne vous craindraient plus. En pareille circonstance, un reçu de 115 000 francs serait une preuve accablante. Ne donnez pas d'armes à la justice contre vous. Peut-être Madame Simon ou ses héritiers se porteraient-ils partie civile pour revendiquer ce qui leur a été pris. Ne signez jamais de reçu. » Il répondit d'une voix tenante. « J'en signerai, et plutôt de quin. J'en signerai tant qu'on en voudra. J'en signerai toujours, et à tout le monde. Ah, les soldats s'imaginent qu'ils auront le bon marché de moi, parce qu'une fois le hasard et le nombre leur ont donné l'avantage, je tomberai vivant entre leurs mains, moi dont le bras est à l'épreuve de la fatigue et la tête à l'épreuve des balles. J'irai m'asseoir sur un banc devant un juge, comme un paysan qui a volé des choux. Jeune homme, vous ne connaissez pas encore Hadji Stravos. Il serait plus facile de déraciner le Parnasse et de le planter sur la cime du Téguet que de m'arracher de mes montagnes pour me jeter sur le banc d'un tribunal. Écrivez-moi en grec le nom de Madame Simon. Bien, le vôtre aussi. Il n'est pas nécessaire et... Écrivez toujours. Vous savez mon nom et je suis sûr que vous ne l'oublierez pas. Je veux avoir le vôtre pour m'en souvenir. Je griffonnais mon nom comme je pus dans la langue harmonieuse de Platon. Les lieutenants du roi applaudirent à sa fermeté sans prévoir qu'elle lui coûtait 115 000 francs. Je courus, content de moi et le cœur léger, à la tente de Madame Simon. Je lui racontai que son argent l'avait échappé belle. Il daigna sourire en apprenant comment je m'y étais pris pour voler nos voleurs. Une demi-heure après, elle soumit à mon approbation la lettre suivante. Du Parnèse au milieu des démons de ce Stravos. Mon cher frère, les gendarmes que vous avez envoyés à notre secours nous ont trahis et volés indignement. Je vous recommande bien de les faire pendre. Il faudra une potence de 100 pieds de haut pour leur capitaine Périclès. Je me plaindrai de lui particulièrement dans la dépêche que je compte envoyer à Lord Palmerston, et je lui consacrerai tout un paragraphe de la lettre que j'écrirai à l'éditeur du Times, dès que vous nous aurez remises en liberté. Il est inutile de rien espérer des autorités locales. Tous les natifs s'entendent contre nous, et le lendemain de notre départ, le peuple grec se rassemblera dans quelques coins pour partager nos dépouilles. Heureusement, ils auront peu de choses. J'ai appris par un jeune Allemand que je prenais d'abord pour un espion, et qui est un très honnête gentleman, que ce Stravos, dit Hadji Stravos, avait ses capitaux placés dans notre maison. Je vous prie de vérifier le fait, et s'il est exact, rien ne nous empêche de payer la rançon qu'on exige de nous. Faites verser à la banque de Grèce 115 000 francs, 4 600 livres sterling, contre un reçu régulier, scellé du sceau ordinaire de ce Stravos. On lui portera la somme en compte, et tout sera dit. Notre santé est bonne, quoique la vie de montagne ne soit nullement confortable. Il est monstrueux que deux Anglaises citoyennes du plus grand empire du monde soient réduites à manger leur rôti sans moutarde et sans pickles, et à boire de l'eau claire, comme le dernier des poissons. Dans l'espoir que vous ne tarderez pas à nous rendre à nos habitudes, je suis, mon cher frère, très sincèrement vôtre. Rebecca Simon. Lundi 5 mai 1856. Je portai moi-même au roi l'autographe de la bonne dame. Il le prit avec défiance et l'examina d'un œil si perçant que je tremblais qu'il n'en pénétrât le sens. J'étais pourtant bien sûr qu'il ne savait pas un mot d'anglais, mais ce diable d'homme m'inspira une terreur superstitieuse, et je le croyais capable de miracles. Il ne parut satisfait que lorsqu'il arriva au chiffre de 4 600 livres sterling. Il vit bien alors qu'il ne s'agissait pas de gendarmes. La lettre fut déposée avec d'autres papiers dans un cylindre de fer blanc. On nous amena le bon vieillard, qui avait pris tout juste assez de vin pour se délier les jambes, et le roi lui donna la boîte aux lettres avec les instructions précises. Il partit, et mon cœur courut avec lui jusqu'au terme de son voyage. Horace ne suivit pas d'un regard plus tendre le vaisseau qui portait Virgile. Le roi se radoucit beaucoup lorsqu'il put regarder cette grande affaire comme terminée. Il commanda pour nous un véritable festin. Il fit distribuer double ration de vin à ses hommes. Il s'en alla voir les blessés et extraire de ses propres mains la balle de Sophocles. Ordre fut donné à tous les bandits de nous traiter avec les égards dus à notre argent. Le déjeuner que je fis sans témoin dans la compagnie de ces dames fut un des plus joyeux repas dont ils me souviennent. Tous mes maux étaient donc finis. Je serai libre après 2 jours de douce captivité. Peut-être même au sortir des mains d'Hadji Stravos une chaîne adorable. Je me sentais poète à la façon de Gessner. Je mangeais d'aussi bon cœur que Madame Simon, et je bus assurément de meilleur appétit. Je donnais sur le vin blanc d'Égine, comme autrefois sur le vin de Santorin. Je bus à la santé de Marianne, à la santé de sa mère, à la santé de mes bons parents et de la princesse Ipsoff. Madame Simon voulut entendre l'histoire de cette noble étrangère, et ma foi, je ne lui en fis pas un secret. Les bons exemples ne sont jamais trop connus. Marianne prêta à mon récit l'attention la plus charmante. Elle opina que la princesse avait bien fait, et qu'une femme doit prendre son bonheur où elle le trouve. La jolie parole. Les proverbes sont la sagesse des nations, et quelquefois leur bonheur. J'étais lancé sur la pente de toutes les prospérités, et je me sentais rouler vers je ne sais quel paradis terrestre. Ô Marianne, les matelots qui naviguent sur l'océan n'ont jamais eu pour guide 2 étoiles comme vos yeux. J'étais assis devant elle, En lui faisant passer une aile de poulet, je m'approchai tellement que je vis mon image se refléter deux fois en miniature entre ses cils noirs. Je me trouvai beau, monsieur, pour la première fois de ma vie. Le cadre faisait si bien valoir le tableau. Une idée bizarre me traversa l'esprit. Je crus surprendre dans cet incident un arrêt de la destinée. Il me sembla que la belle Marie-Anne avait au fond du cœur l'image que je découvrais dans ses yeux. Tout cela n'était pas de l'amour, je le sais bien, et je ne veux ni m'accuser ni me parer d'un sentiment que je n'ai jamais connu. Mais c'était une amitié solide, et qui suffit, je pense, à l'homme qui doit entrer en ménage. Aucune émotion turbulente ne remuait les fibres de mon cœur, mais je le sentais fondre lentement comme un rayon de cire au feu d'un soleil si doux. Sous l'influence de cette raisonnable extase, je racontai à Marianne et à sa mère toute ma vie, depuis le premier jour. Je leur dépeignis la maison paternelle, la grande cuisine où nous mangions tous ensemble, les casseroles de cuivre pendues au mur par rang de taille, les guirlandes de jambon et de saucisses qui se déroulaient à l'intérieur de la cheminée, notre existence modeste bien souvent difficile, l'avenir de chacun de mes frères. Henri doit succéder à papa. Frédéric apprend l'état de tailleur. France et Jean-Nicolas se sont engagés à 18 ans. L'un est brigadier dans la cavalerie, l'autre a déjà les galons de maréchal des logis. Je leur racontai mes études, mes examens, les petits succès que j'avais obtenus à l'université, le bel avenir de professeur auquel je pouvais prétendre, avec 3 000 francs d'appointements pour le moins. Je ne sais pas jusqu'à quel point mon récit les intéressa, mais j'y prenais un plaisir extrême, et je me versais à boire de temps en temps. Madame Simon ne me reparla point de nos projets de mariage, et j'en fus bien aise. Mieux valait n'en pas dire un mot que d'en causer en l'air quand nous nous connaissions si peu. La journée s'écoula pour moi comme une heure. J'entends comme une heure de plaisir. Le lendemain parut un peu long à Madame Simon. Quant à moi, j'aurais voulu arrêter le soleil dans sa course. J'enseignais les premiers éléments de la botanique à Marianne. Ah, monsieur, le monde ne sait pas ce qu'on peut exprimer de sentiments tendres et délicats dans une leçon de botanique. Enfin, le mercredi matin, le moine parut sur l'horizon. C'était un digne homme, à tout prendre, que ce petit moine. Il s'était levé avant le jour pour nous apporter la liberté dans sa poche. Il remit au roi une lettre du gouverneur de la banque et à Madame Simon un billet de son frère. Agistravos dit à Madame Simon : Vous êtes libre, madame, et vous pouvez emmener mademoiselle votre fille. Je souhaite que vous n'emportiez pas de nos rochers un trop mauvais souvenir. Nous vous avons offert tout ce que nous avions. Si le lit et la table n'ont pas été dignes de vous, c'est la faute des circonstances. J'ai eu ce matin un mouvement de vivacité que je vous prie d'oublier. Il faut pardonner quelque chose à un général vaincu. Si j'osais offrir un petit présent à mademoiselle, je la prierais d'accepter une bague antique, qu'on pourra rétrécir à la mesure de son doigt. Elle ne provient pas du brigandage. Je l'ai achetée à un marchand de nos plis. Mademoiselle montrera ce bijou en Angleterre en racontant sa visite à la cour du roi des montagnes. Je traduisis fidèlement ce petit discours, et je glissai moi-même l'anneau du roi au doigt de Marianne. « Et moi, demandai-je au bon Agistravos, n'emporterai-je rien en mémoire de vous ?»« Vous, cher monsieur, mais vous nous restez. Votre rançon n'est pas payée. » Je me retournai vers Madame Simon qui me tendit la lettre suivante. « Chère sœur, vérification faite, j'ai donné les 4 000 livres sterling contre le reçu. Je n'ai pas pu avancer les 600 autres, parce que le reçu n'était pas en votre nom, et qu'il aurait été impossible de les recouvrer. Je suis, en attendant votre chère présence, tout à vous, Édouard Sharper. » J'avais trop bien prêché à Gistravos. En bonne administration, il avait cru devoir envoyer 2 reçus. Madame Simon me dit à l'oreille, « Vous paraissez bien en peine. Y a-t-il de quoi faire une grimace pareille ? Montrez donc que vous êtes un homme et quittez cette physionomie de poule mouillée. Le plus fort est fait, puisque nous sommes sauvés, ma fille et moi, sans qu'il nous en coûte rien. Quant à vous, je suis tranquille, vous saurez bien vous évader. Votre premier plan, qui ne valait rien pour 2 femmes, devient admirable depuis que vous êtes seule. Voyons, quel jour attendrons-nous votre visite ? Je la remerciai cordialement. Elle m'offrait une si belle occasion de mettre au jour mes qualités personnelles et d'entrer de vive force dans l'estime de Marianne. « Oui, madame, lui dis-je, comptez sur moi. Je sortirai d'ici en homme de cœur, et tant mieux si je cours un peu de danger. Je suis bien aise que ma rançon ne soit pas payée, et je remercie monsieur votre frère de ce qu'il a fait pour moi. Vous verrez si un Allemand ne sait pas se tirer d'affaire. Oui, je vous donnerai bientôt de mes nouvelles. Une fois hors d'ici, ne manquez pas de vous faire présenter chez nous. Oh, madame! Et maintenant, priez ce Stravos de nous donner une escorte de 5 ou 6 brigands. Pourquoi faire, bon Dieu? Mais pour nous protéger contre les gendarmes.